Tu sais que ça me déchire à chaque fois que tu me dis qu'on te tire. J'aimerais tellement que tu te taises à chaque fois que tu me racontes qu'on te baise. Tu scénarises ces films toujours en orbite ou dès le premier soir. Tu suces la bite dès le premier soir et te dessapes, se colle à ta peau et te caresse comme on frappe. Ouvre la bouche sans mots et te lèche comme on mord tendu à la frontière. Raide comme la mort, il te plante sa lame aiguisée comme un scalpel descendant sous les accoudres sévères. Le ciel. Il sent tes cuisses se frotter à ses hanches et s'enfonce plus loin, plus fort entre eux. Tes tranches ouvertes au fer sur le dos comme à quatre pattes, les fesses giflées, les doigts dans la chatte. Il éjacule, répand sa matière jusque dans ta gorge et je vois son sourire quand il dégorge et je vois ton sourire quand tu l'avales, heureuse quelques secondes avant que le mal revienne prendre sa place, que ça, tes cœurs se voient si amer d'un lointain bonheur d'avoir épuisé l'envie et le désir comme tu aimerais mourir jusqu'en la jouissance vient de finir. Devant cet inconnu que tu n'aimeras jamais, devant cet inconnu tu ne reverras jamais, qui ne rêve que de partir, la besogne achevée, les souvenirs glorieux de t'avoir si vite compris.